Chapitre 335. L'interdiction à la femme de se refuser à son mari sans raison légale. 1749. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Si une femme se refuse à son mari et que ce dernier passe la nuit en colère contre elle, les anges la maudissent jusqu'au matin. » Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, jusqu'à ce qu'elle revienne.